100%. 70 et 10% pour 100%. Show radio classable le moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70 et 10% pour 100%. 70 et 10% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. This was authorized by the official agent of the Rhinoceros Party! Oh, hi. I'm Tommy Goddard. Professional daltologist speaking to you for the first time on national television. Don't you feel that you only get to choose the flavor by which the system will digest your hopes? I too find it pretty difficult to put my trust in an institution who constantly disappoints me. I personally believe that real change for the better cannot come from voting for the least worst candidate. But how can we make a long-lasting choice that will bring a durable happiness to our families and friends? A choice that will truly help on redistributing our great nation's wealth? And then, there's the environment, our only truly finite resource. Well, let's see if we could have done better with that. To ensure that we all work together on that same goal that is equality, transparency is the greatest asset of any political party. It helps maintain focus of the team on our common goal. As transparency isn't the first word that comes to mind while thinking about the major parties, what to do? I'm glad to provide you with the real answer, vote Rhinoceros. As your representatives, we will start by asking these questions. Why isn't dental care free? Why do you have to pay for glasses in this world where ours are so important? Why in 2011 fighter jets before school? Why don't we have proportional elections? And where are the smiles and the passports? So for a government through which you really can see yourselves, vote Tommy Goddard. If you've got questions, I too have some. This was authorized by the official agent of the Rhinoceros Party! Oh oui, hein, c'était le bon vieux temps dans le temps. Mais bon, c'est un petit peu mon opinion politique, ça vient d'être sorti, et puis ben, je me suis promis aujourd'hui à 70%, cette émission qui commence, qui est encore un fœtus hein, dans sa chrysalide. Je me suis promis de ne pas parler de politique, on vient tout juste de mettre au pouvoir un parti corrompu, rempli de carriéristes, et moi c'est ce que je déplore de la politique de laquelle je suis pas en train de discuter. On fait des carriéristes avec le système, et ça pourra jamais marcher parce que les gens, ils pognent leurs habitudes, leurs routines. Les standards sont immanquablement changeants là-dedans. Les carriéristes qui vivent dans un autre monde que le nôtre, ils croient que le mot austérité, ça a moins de répercussions que de se casser un ongle ou de perdre son cellulaire, mettons, t'sais. Je parlerai pas de politique parce que ça me déçoit tout le temps. Chris, on vient tout juste d'élire un gouvernement majoritaire, une gang de corrompus qui nous ont promis des jets de guerre. Puis, on vient de me dire que c'était au fédéral ça les jets, mais on s'en. Oui, mais ils sont à nous. Oui, ils sont à nous, au moins. Sinon, on est un petit peu maigre sur le staff ce soir, on est allé recruter Andy Jacques, qui est tout le temps content de venir nous parler de je sais pas quoi encore, ça a l'air précieux, parce qu'il a mis sa toche de mage noir et il a sorti son chaudron qui sent un petit peu le sang de grenouille et la bave de corbeau. Et puis là, il est allé travailler avec ça dans sa chambre. Sa chambre qu'on sait, dans le fond, il y a un vortex entre sa porte, dans le cadre de sa porte de chambre, et ça l'amène sous terre, vraiment, à 50 mètres sous terre, un petit peu plus proche de ce que lui, il appelle la mère Terre, mais que nous autres, on sait être Belphégor, le démon qui s'est occupé de créer les roues. C'est une grosse histoire compliquée. Sinon, on a Mathieu Boudreau. Mathieu Boudreau, qu'il faut qu'il quitte tôt, donc il m'a demandé de faire ça vite en début d'émission. On a Giz aussi qui est à la console. Giz, par contre, n'a pas de chronique aujourd'hui parce qu'il a les pouces fatigués. Il développe des affaires ces temps-ci, une relation amoureuse spéciale avec c'est League of Legends, je pense, ta nouvelle passion. Ça, puis les petites billes, tu sais, les petites affaires que les petites filles de 4 ans jouent avec leur maman pour passer un fer à repasser, là, j'aime bien ça. Ah oui, c'est vrai, toi, ton Kickstarter, t'en avais parlé. Ben oui. Spoiler alert, ça a bien été son Kickstarter. Sinon, ben on est content qu'il soit là avec nous, c'est ça le plus important. On a un petit clip de Julien Bernatchez parce que ça brasse de son bord en sapristi ces temps-ci. Et on a notre nouvelle collaboratrice, Lou, qui revient d'un voyage un petit peu bronzé, mais avec la bonne attitude de championne, qui va venir nous parler de quelque chose. Peut-être que Bruno va venir nous rejoindre dans l'émission. En attendant, Michael Ironside, j'en ai parlé deux fois aujourd'hui. Une fois en parlant tantôt dans l'émission de Hellriders, le film qui a été voté au www.douteux.org, et une autre fois juste après avoir mentionné que c'est Catherine Simard, alias Katanka Cabin, voilà, qui est ici pour nous parler de son projet de jeu de rôle qu'on avait déjà, on l'avait déjà accueilli il y a comme un an et demi, et puis là, ben, ça fait des petits, là, hein? Ça grandit, puis aussi, elle va nous parler d'une espèce de compétition de clips, de tournage, en tout cas. On va en apprendre aujourd'hui à 70%, parce que là, je parle de Michael Ironside aussi. En plus, vous vous en rappelez, il était dans Scanner, faisant un des combats de la fin les plus hot de toute l'histoire du cinéma. David Cronenberg, qui est un réalisateur généreux et gentil. Là-dessus, Michael Ironside, c'est un secret pour personne et je dévoile rien. Il est un des personnages, il tient le rôle de Yves Corbeil, en fait, dans Turbo Kid, le film sur lequel je suis allé très généreusement travailler et très, très... c'était cool en crisse, là. Je me suis ramassé à pouvoir être en avant de Michael Ironside. Là, je lui ai dit, sorry, but can we take a wrestler's picture? You know, like we show each other our hatred. Tiens, qu'on s'haïsse. Là, il a fait, no, no, come over here. Là, il m'a fait un gros câlin, là. Puis là, j'ai une belle photo de moi qui est tenue par Michael Ironside, le gars qui se fait couper les bras par l'ascenseur dans Total Recall, man. Il me tient dans ses bras et on vit un petit moment d'éternité sur un set de tournage. Et puis là, ben. En tout cas, je veux pas faire de spoiler, mais je suis dans le film pas mal plus qu'il pensait que j'étais pour être parce que mon personnage que j'ai inventé, il lui plaisait. Fait que là, je suis content. J'ai même appris tantôt que j'étais pour retourner jeudi pour tourner d'autres scènes encore avec mon nouveau bon pote, là, Aaron, qui joue le grand héros. Là. Hein, il me parlait à moi, on s'est serré la main. Lui, il m'a fait une photo de lutteur. On a aussi le Pipsqueak, là, il s'appelle Monroe. Il était dans Beethoven, les aventures de Noël. c'est lui qui joue le rôle du héros dans cette nouvelle édition. Là, sinon, ben, je continue de parler de moi un petit peu parce que ça va bien. Il est 6h40, on est en avance sur l'horaire. Et puis, ben, moi, dans ma vie, j'ai déjà été mascotte. Et ça, c'est une anecdote que j'aime tout le temps raconter. Puis je ne sais pas si je l'ai sur tape. Donc, ça va être fait aujourd'hui si jamais ça vient qu'à être découpé par Giz et mis sur une chronique, blabla. En tout cas, c'est enregistré, là. C'était en 2001, voilà, je l'ai dit. Oui, au début de l'été 2001, j'avais quitté le Tim Hortons de nuit à Val-d'Or pour aller être co-responsable d'une tournée promotionnelle que j'étais une mascotte et qu'on se promenait dans toutes les villes d'Amérique du Nord. C'est un des meilleurs deals de ma vie. Parce que le Tim Hortons de nuit à Val-d'Or... J'en parlerai plus souvent de ça, t'sais. fait que là, ben là, j'étais dans la tournée premier shift de mascotte, parce que là, ils ont dit, toi, t'es nouveau, tu vas faire la mascotte. Je fais, ben oui. Ben oui, je fais la mascotte. T'sais, je voulais être la mascotte. Et on avait Benjamin la tortue, t'sais, c'est Franklin en français ou en anglais. Je pense que c'est Benjamin... Benjamin, voilà. Donc, Benjamin en français, Franklin en anglais. Et on avait le costume de Benjamin et c'était à nous de le porter. Puis ils ont dit, toi, t'es nouveau. Fait que premier chiffre, il est à toi et tu le fais. OK, good. Là, tu sais, c'est une base militaire à Petawawa. En plus, c'est une des grosses bases militaires. Puis c'était un derby de démolition de char. Fait que, tu sais, j'étais la seule mascotte à la place. Tu sais, les mascottes muggers, là, j'étais vraiment comme une bouse dans une ferme à vaches, à mouches, mettons. Tu sais, en tout cas, vert. Fait que là, je suis... Tu sais, là, je mets le saut, puis moi, je suis tout content, je suis une mascotte, puis c'est arrivé pour vrai, drette comme ça, là. Je suis sorti de la tente en poussant ça comme ça, la toile. J'ai fait un pas comme ça, j'ai remarqué qu'il y avait un gars qui s'enlignait pour m'en crisser une comme ça du coin de l'œil. Là, j'ai continué mon pas, je me suis baissé, et puis j'y ai fait un hippon comme j'ai appris à faire au judo, une projection comme ça, c'était tout contrôlé. Mais le gars, il est tombé sur le dos, il avait les yeux grands ouverts, lui, il s'attendait à donner un coup de poing, là. Juste comme arrêté comme ça, fait que, il a juste roulé sur le dos de Benjamin la tortue. Et c'est aussi la seule fois dans ma carrière de plus de 2 ans c'est la seule fois dans ma carrière de mascotte de 2 ans que je me suis fait attaquer par un mascotte mugger. C'est-à-dire, elle était vieille de 2 secondes, ma carrière. Et c'est aussi la seule fois de ma carrière de mascotte que j'ai parlé. Parce que je l'ai écrit ça à table, j'ai fait « You never do that ». Puis après ça, je l'ai relevé, tu sais, puis c'était un jeune de 14 ans qui avait poussé, il était aussi grand que moi, sinon plus. Ah, ça devait être beau à voir de l'extérieur, ça. Sérieux, là. Benjamin qui fait... En tout cas, quelle belle histoire. Sinon, donc, on se lance dans un 70%, comme je vous ai mentionné tantôt, on a Mathieu qui va venir parler, Sarah, et puis ben, juste après le clip qui suit, on met encore un petit peu de politique, c'est-à-dire Julien Bernatché, qui parle du mot « veto nominé », quelque chose de même. Puis c'est quoi l'autre clip que j'ai mis juste après? Ça va être « The Cringe Club, Epic We Are Young Cover ». J'ai mis un epic cover que j'ai trouvé sur une compilation qui s'appelle « The Cringe Club, All Aboard, The Fail Train, Choo-Choo ». Ben non. On commence 70%. Merci. Salut, ici Julien Bernatché. Puis j'ai été vote nominé par Murphy Cooper. Alors, OK, Murphy, ben, si j'ai bien compris, il faut que je dise pour qui je vote. Murphy, toi, tu disais que tu allais voter pour la CAQ à cause que c'est le seul parti qui s'est officiellement prononcé pour la légalisation du pot ou la legalisation, comme tu le dis si bien. Eh bien, moi, c'est pas suffisant, OK? Il n'y a aucun parti qui s'est proposé pour la légalisation de l'ecstasy. Puis moi, ben, c'est pas mal ça que ça me prend pour aller travailler tous les jours. J'appelle ça affectueusement ma vitamine E. Hein? Mais pourtant, ça semble être encore un sujet tabou en 2011, alors cette année, je vais faire annuler mon vote. Et maintenant, je vote nomine Gilbert Rozon. Alors, Gilbert, pour qui tu votes? Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom, getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, my holes in my apologies, and I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. No, no, that I'm not all that you got. I just like maybe we can find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a cup. Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. we are young. So let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Carry me on tonight. Just carry me on tonight. Just carry me on tonight. Carry me on tonight. The world is on my side. I have no reason to run. So come on, come and carry me on tonight. The angels never arrived, so I hear their choir. So no one come and carry me home tonight. We are young. So let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Tonight. We are young. So let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. On est de retour en studio après cette performance merveilleuse. J'ai oublié de vous mentionner tantôt, parce qu'on a un encan tous les lundis, et tantôt, on va faire tirer à l'encan ce casse-tête de Rock Voisine qui contient tous les morceaux. Il en manque aucun, en fait. Hey, avec le poster, câlisse. J'ai envie de le garder. C'est de toute beauté. Donc, ça va être en vente à l'encan tantôt au brouhaha. Et puis, ben, en fait, je veux juste vous montrer, c'est vraiment encore, les pièces sont encore dans le plastique original. Ben, il va peut-être pas dû aller pièces. Jusque-là. Non, non, on a Mathieu là-dessus qui est en train de ramasser pendant que ça, je ça, c'est parle. C'est mon pied. C'est vrai, il y en avait un. Je voulais le garder pour moi. Là, tu peux le vendre super cher pour que les gens le complètent. Donc, c'est le poster qui va avec. Merci, Catherine, d'avoir... tenu la chose et merci d'être venu nous voir. C'est à 70. Ma spécialité, tenir des posters de Rock Voisine en direct. Ah, tu vas te découvrir une passion. Ouais. Ce serait le fun d'avoir ça plus souvent. Que... Mais là, ça nous prend des nouveaux posters de Rock Voisine, donc on peut peut-être faire un appel à tous. Démarrer une nouvelle collection privée. Et voilà. Ben non, mais ça va être vendu à l'encan tantôt. Uh-huh. Donc, ouais, c'est calé. Sinon, Catherine, dessinatrice toujours? Oui, dessinatrice toujours. Plein d'autres choses aussi. Ouais, ouais, t'es multidisciplinaire, t'es une femme du monde déjà en plus. Femme d'affaires. Et voilà, tu te gardes occupée. Ben ouais. C'est bon ça. Ouais. En fait, moi je t'ai demandé de venir nous parler parce qu'il y avait deux sujets qui sont comme nouveaux, qui sont tout frais et qui sont beaux en même temps. C'est que dans le temps, on se souvient, la première fois que t'es venu, tu nous as présenté... Ouais, ouais, il est dans l'armoire, juste à côté de la sécheuse. Il y a un peu de poussière sur ta boîte. Il a servi en fait vendredi passé, l'autre d'avant. C'est Préado, c'est le premier jeu de société que tu as fait, un jeu qu'on a joué live, il y a encore des séquences d'archives sur Internet sûrement, et sinon, festival de films, c'est quoi ça? Oui, oui, oui, ben en fait, ça a commencé à l'Halloween dernier, on s'est dit que ça pouvait être peut-être plus fun que juste sortir dans un bar puis se saouler, au lieu de ça, de faire une nuit de court-métrage. Et se saouler. Ouais, les et deux et en se même saouler, temps. Ouais. Les deux en même temps. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Ça a été très populaire. Fait qu'on a fait une première compétition pour Halloween où on faisait des équipes qui se réunissaient... Attention de bien parler dans ton micro. Qui se réunissaient le soir même, chez nous. Puis là, on partait toute la nuit pour faire un film... Là, il fallait se le présenter le matin, puis c'était comme une compétition à celui qui avait réussi à faire le meilleur film puis dans là, mettons, nuit. Les gens sont en costume, fait que ça te permet d'aller un petit peu plus dans d'autres registres et tout, fait qu'on profite des costumes. Encore mieux. Ouais, on profite des costumes, on profite des lieux. Imagine-toi donc que pour le film d'Halloween, on est allé tourner ça dans un hôtel abandonné au centre-ville. Oh boy! Mais ça, c'est... Mais ouais. OK, parce que la compétition, c'est pas nécessairement la soirée que vous écoutez les films que vous voulez tourner. Ça peut être ça aussi. Bien, on fait plusieurs représentations, mais on les tourne toutes pendant la même nuit. OK. Ouais. Puis le deal, c'est que c'est le montage dans la caméra. Fait qu'on n'a pas le droit d'éditer le film. Ouais, à la Roger Normandin, là. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Puis on a fait aussi cette compétition-là pour Noël. Ça a bien marché. On a produit le film Méga Million. Ouh. Que j'espère un jour va être montré sur les ondes du douteux. Ah ben c'est sûr, en fait t'aurais dû l'amener aujourd'hui, on aurait pu le montrer là. Ah ben on l'a sur internet. Bon ben peut-être que ça va jouer dans l'émission. Ah ok, okay. Méga Million. Méga Million, Méga c'est Million. C'est sur YouTube genre? Non, c'est avec un mot de passe. Ah. On peut donner le mot de passe au douteux. Bon, c'est quoi? On verra tantôt, pour l'instant on va poursuivre de parler de... La passion, dans le fond, mettons, la première, c'était la thématique d'Halloween. Ouais. Le deuxième, c'était Noël. Ouais. Et puis là, ça va être quoi? Puis là, on a une troisième compétition qui arrive pour Pâques. Et voilà. Ah, pour Pâques, des films de Pâques. Ça, c'est beau. Je sais pas à quoi ça ressemble un film de Pâques, mais c'est ce qu'on va découvrir. Et voilà. Le thème, ça va être résurrection. Puis on invite donc les gens à former des équipes, à venir nous rejoindre le samedi 3 mai dans mon salon. Puis on part pour toute la nuit, puis on projette les films vers 6 heures du matin. Non, ben ça me tente, là. Ouais, je savais. Mathieu aussi, il est super motivé, là, tu oui. vois. Oui! Puis il frétille. Donc, ben, on va laisser les informations, essayer de me contacter, ou sinon, il y a une adresse qui apparaît en dessous du nom de madame. Ça, c'est vers ton Tumblr, c'est plus des images, parce que t'es une tatouatrice aussi. Et oui, je suis une tatouatrice. Ça me semble bien conjugué. C'est ça que je fais pour gagner ma vie. OK. Puis avoir du fun tous les jours. Fait que je fais des tatous. De fun tous les jours, c'est une lourde responsabilité, ça. Ouais. OK. C'est quoi l'affaire que tu as déjà tatouée que toi, tu te serais jamais fait tatouer? Ça pourrait être toutes sortes d'affaires, mais... Aujourd'hui, mettons celui d'aujourd'hui. J'ai pas travaillé aujourd'hui. Qu'est-ce que je me serais... Mais les tatous que les filles, des fois, viennent me demander, tu sais, le classique de la plume, du signe de l'infini, puis du mot « love » mélangé ensemble. Le monde, il demande ça? Dans le bas du dos. Les tramp stamps. Les tramp stamps, que ça s'appelle. Ah, ça non plus. C'est-tu vrai que tu peux plus avoir d'épidurale un coup que tu as un tatou là? Sur le dos? Ouais. J'ai lu ça sur Internet, ça doit être vrai. Peut-être, moi, je pense qu'on peut... À moins que tu aies de la poudre de perlimpinpin. OK. ça marche tout le temps, la poudre de perlimpinpin. Sinon, ben aussi, la deuxième affaire, parce que là, on a parlé au début de son jeu Préado, mais il y a quelque chose d'autre qui s'en vient concernant Préado aussi. Ben ouais, ça fait un an que mon éditeur me dit « Ah, mais ce serait le temps qu'on fasse la réédition du jeu, parce qu'ils sont tous vendus. » Puis là, moi, je prends du temps à comme... faire les affaires qu'il faut pour le faire rééditer. Mais là, en fin de semaine, j'ai eu une révélation, puis je me suis dit, ben là, ça fait trop longtemps que ça traîne, fait que je vais commencer ça. Fait qu'il va être prêt pour le Salon du livre anarchiste. Puis les commentaires que j'ai eus sur le jeu, c'est qu'on était comme trop livrés au hasard. Ça, c'est vrai. Ouais. Fait que là, je me suis dit, pour les pros de préado qui ont besoin d'un défi de plus... J'allais rajouter des règles un peu stratégiques. Ça, j'aime ça. Ça, c'est bon, ouais. Ça. Fait qu'il y a un nouveau volet qui sont des cartes actions. Puis là, à chaque tour, on joue le tour normal pour les habituer. Puis ensuite, on peut venir influencer chaque tour avec des cartes actions. Fait que juste un résumé de préado. C'est comme des instants à Magic, mettons. Ouais. Ouais. Pareil. Parce à qu'on peu se près. Souvient que tu savais c'était quoi Magic. Oui, oui. C'est plus comme des enchantements, t'es fait à la fin de ton tour. C'est ça. Mais c'est ça, préado, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu, ben en fait, il faut survivre à sa préadolescence. Pas dans le jeu, on incarne un personnage qui a à peu près 11 ans. Puis pour gagner, pour avoir une préadolescence modèle, il faut avoir suffisamment de relations sexuelles, soit avec ses... professeur, la directrice d'école, le facteur. Ou Des amis aussi. Les amis. Les amis. Les amis aussi. Mais il n'y a pas juste ça. Puis en fait, c'est, le gagnant, c'est celui qui survit à sa préadolescence. Parce qu'il faut quand même une préadolescence équilibrée. Fait qu'il faut aussi accumuler des savoirs dans notre catégorie de savoirs convoités. Et il ne faut pas accumuler les problèmes. Il ne faut pas accumuler de problèmes parce que quand on atteint 4 problèmes, on se suicide. Puis on meurt. Quand on atteint 3 maladies sexuelles, on meurt. La majorité des games que j'ai joués, en fait, se sont terminées qu'il y en a 2 qui se sont pognés un 4e problème en même temps. Tout le monde était mort. Mais c'est un jeu qui est... Oh, c'était très plaisant. Mais aussi, les cartes, ça va te permettre d'en refaire d'autres. Il y a comme une infinité. Là, ben peux... oui, c'est ça. Fait que là, avec les cartes actions... Il y a 4 volets aux cartes actions. Il y a chat roulette. Fait que là... ça doit avoir rapport avec des pénis. Mais c'est qu'en fait, on peut avoir aussi des partenaires virtuels maintenant dans Préado. Ah, j'aime ça! Ah ouais, tu jump le shark! Ah ouais! Fait que là, celui qui était geek puis qui avait un savoir informatique, ça va peut-être l'aider dans son action de... Ouais, c'est ça. Fait que là, les préados peuvent jouer à chatroulette puis essayer de séduire leur partenaire virtuel pour les obtenir comme partenaires dans la réalité. Hey, sérieux, là? Je te jure, je suis une jeune fille de 12 ans. Mais... Il y a d'autres volets aussi. Il y a les cartes intimidation. Fait qu'on peut venir intimider les autres joueurs pour les pousser plus rapidement au suicide. Par la bande, hein, c'est pas vraiment de ta faute. Tu disais des affaires que tu trouvais vraies. Tu posais des questions. Et puis, ouais. Continue, ça va bien. Le troisième volet, c'est l'estime de soi. Fait qu'on peut jouer des cartes sur soi-même pour améliorer son estime puis venir bloquer des cartes intimidation ou éliminer des problèmes. Moi, j'en cours de kung-fu, fait que là, ça te permet de... ou s'inscrire dans le club pastoral ou... Et voilà. Ouais, ouais, je l'ai vu, celle-là. C'est pas aussi. Tout noir, là, comme jeu. C'est pas tout noir. Puis la dernière catégorie, c'est expérimentation. Fait que là, le préado peut expérimenter des choses puis on lance le dé pour savoir si ça se passe bien ou mal. Puis là, on peut accumuler des expérimentations qui se sont bien passées ou mal passées. Et voilà. Donc, c'est 2 affaires à regarder. Merci beaucoup d'être venue, Catherine. C'était un plaisir tout le temps. Ça m'a fait plaisir. Il va se passer le 3 mai prochain. Des informations, il y a l'adresse sur le Tumblr. Là, il y a moyen de contacter. Sinon, blabla, là, contactez-moi, moi, vous la trouvez. Ouais. Sinon, ben c'est préado. Moi aussi, j'ai hâte qu'il y en ait un. Je vais acheter le prochain aussi, puis on va revenir en jouer une game live en onde. On va essayer aussi de trouver Méga Million. Méga Million est le film d'Halloween où je suis en scène d'un bébé démon. Encore? Je suis pas vraiment actrice dans la vie, mais c'est quand même drôle à voir. Puis Elle dit que c'est moins 7. mon mari dans le film est un hot dog. Ah, j'aime ça. Quand même. Ah ouais, c'est... Puis il y a des scènes tournées au La Fleur à 4h du matin. Ça vaut la peine. Et voilà. Ouais. Puis le film de Noël, ben c'est un film de LSD dans un chalet, qui est une histoire vraie. Puis qu'il y a jamais personne qui a fait de LSD dans aucun chalet. C'est ça que je me dis. Alors, c'est une nouveauté. Bon, ben là-dessus, on s'en va écouter. Check Ben, tu vas peut-être être contente. Avec plaisir, t'es tout le temps la bienvenue. Là. Moi, de te voir plus souvent, je vais être content. On s'en va regarder un bloc parce que la semaine passée, on a pogné un threesome de serre. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit « C'est quoi que t'as passé à 70%? » Je veux l'avoir. Puis là, j'ai fait une recherche. Threesome animal. Il y en a beaucoup. On a un petit bloc de threesome d'animaux. On est à 70%, ça va être Mathieu Boudreau Reto. Merci beaucoup, Catherine. Merci. There's three deer. I can see there's two bucks. Which one do I zoom in on? The one on the left. Yeah. Furthest to the left has got a nice rack. I can't tell what it is. No, there's a young one crossing behind him. Now he's the one. God, there's two spooky, right next to each other. Spooky. I got them. It's there's camera. A third one focusing. To the right, but I can't tell what he is. To the right of those two? Yeah, he might trot out of there. That's a pretty young buck, the one that just That's a young guy, yeah. That other one's a year or two older, maybe. His head's up in the trees, I can't tell. He's tall, the one yeah, I'm looking is. At. Is there another one to the right? Yeah, there's one just to the right. Oh, I see, yeah. Just see his legs. Boy, they're a long ways over there, though. That's more than 200 yards. Oh, way more. Heck yeah, heck yeah. Here we go. There you go. That pretty was a nice buck looking too. Buck. Yeah. Mm-hmm. Was that a doe? No, nope, that was a buck too. Nice buck. What happened to the other guy? They're all gone. They all went to, took off. Took off the left. Back into the left. Cool. Oh, pre cum. Probably is. He's got a gun for it. Why? Funny if he came. What on earth? Funny if he came like all over us, right? His stupid little back. His back. Zoom in on his back. Goofy little face. You look so unimpressed. I'd work in Terminator. Goofy little face. Just sitting there fucking it. Oh, he's just got it in it. He's got it in the neck. Oh my god, it's going in the ear. He's in the ear. Oh, I'm having a freeway, it's so weird. Oh, they're trying to pull out now. Oh, the dick going out. Oh, the tally. No! The tally. You've got to get the tally. You've got to now afterwards. What is this guy up to? The way he licks the wound is so grim. Oh, here we go. He's a half man. Oh, no. He's not bothered about that little pussy. You see the tally. Oh, my God. Dude, why are you so close? He's not taking her down. He's wrapped her legs around. Yeah, that's how they do it. That's so weird. That's how they do it. That's like get them up on the floor. Turn around. Wow. Oh, he's going for the ledge. Is that hole's already filled? Oh, in the bomb. Going for the stinky. No, in the bomb. Yeah, that's not something you see all the time. Yeah, that's hilarious. Devin, leave them alone. Leave them alone. Why? They're playing. Yeah. Hey, can you let me down? Wow. Look, her friend's like here, girl. What in the world is that? Oh, wow. Can someone help me with that? This is hilarious, and I don't know if we're sick or for watching. I'm glad I bought the membership. Et à la maison, sur les internets, dans le studio. Bonsoir. Hey, salut. On est là. Salut Mathieu. Ouais, ouais. Cette semaine, Tommy, hein, tu dois bien t'en douter, j'ai le cœur à la fête. Hey, ça sent le party pas mal fort. Ouais, ouais, ouais, ben, hein, on sait c'est quoi. Hier, c'est Gab Roy qui mettait fin à sa carrière. D'humoriste. Non, il a signé un papier avec un démon qui disait ouais, que... Puis ouais. Garde, aujourd'hui, hein, c'est la liberté d'expression qui atteint son point G. Hein? Le point G de sa fonction, le droit de voter, Tommy. Le point gouvernement. Ça, c'est on atteint des sommets dans la bassesse. Hein, je sais pas, en tout cas. Mon fils, il vient me déranger pendant que je classe ma collection d'avis de saisie. Puis il me dit, papa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour célébrer la vie? Il y a vraiment des... Ah oui, ben là, j'avais déjà une 12 dans le corps. la fin des élections à la TV, puis mon envie de fourrer Marie-Lou Wolfe sur Internet, je me disais, tabarnak, encore une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle, Tommy. Mon père, il disait, par le fils, jamais de déception. Par le père, c'est un calvaire. Ah ouais. Ah ouais, c'était pas juste un violent violeur décervelé, le bonhomme, là. Il y avait quand même... Non, mais il y avait une philosophie en arrière des tas de cadavres brûlés et de la pile d'argent ensanglantée. Bref, il y avait raison. Le problème, c'est jamais tuer, c'est comment tuer, hein? Je veux pas. C'est une drôle de sagesse, mais je te suis. Oh ouais, ben c'est parti. En passant, juste comme ça, je sais qu'il est peut-être un peu trop tard, mais voter libéral, c'est voter pour l'économie, la création d'emplois. Puis l'industrie pharmaceutique du monde entier, c'est-à-dire les vraies affaires. Bon, oui, quand j'ai appris que Gabriel Leroy mettait fin à sa carrière, je me suis dit, Chris, man, bon move. Puis pas parce que je l'aime pas, hein. Bien humblement, là, hein, Gab Leroy, il y a des sortes de fromages ayant existé au Moyen-Âge qui me semblent plus passionnants que son humour. Mais tu sais, je suis pas là pour être meilleur qu'un Roquefort sous le règne de Charles VI. T'es pas de même, toi. Non. Comme dirait un expert en fromage là, pour ne pas se fourrer un blind date. Mon père, il disait souvent... Mon fils, il dit souvent, ces temps-ci, « Papa, on fait tout le monde ce qu'on a à faire avec les moyens qu'on se donne. » Faut pas se le cacher. Voter Québec solidaire, c'est voter pour une réforme drastique de nos habitudes d'occidentaux capitalistes en pensant davantage à la nature et aux gens qui nous entourent. C'est-à-dire... de la fiction, Tommy. Moi-même, régulièrement, je mets en scène des nègres puis des crises de fif qui s'enculent en pognant le sida puis l'intégrisme. Des juifs, Tommy. Des juifs qui violent des femmes voilées et des prêtres batteurs d'enfants amateurs de snuff movie et de sushis servis sur des putes mortes. Et personne... Je dis bien personne, pas même un hostie de BS, un handicapé, un tabarnak de cochon sale ou un arabe de Chris. Personne, Tommy, n'est à l'abri d'un dérapage. Même pas toi, hein? Pas moi, jamais. Mon père, il disait, une joke de mauvais goût, hein, c'est comme le fromage pour un intolérant au lactose. Ça fait chier. Qu'on se le dise. Votez CAQ. C'est voter pour un vieux garçon opportuniste qui veut une dernière chance de manger gras pour sa retraite. Il se crisse de toi, il se crisse de moi, il se crisse même de sa femme quand c'est le temps. Hashtag, ce gars-là est né en 1957, il pourrait être mon père. Hashtag, je le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Ceci étant dit, là, parce qu'on passe. Dans l'affaire Pierre et la Louve. Pierre et la Louve? Pierre et la Louve, hein? Tu viens de le taguer, man, c'est brandé. Ouais, je suis capable d'avoir du jugement, hein, puis de me dire, franchement, hostie que c'est pas une joke à faire, une lettre dans laquelle tu décris un viol, hein? N'importe qui se fait adresser une lettre de même est en droit de se demander, coudon, c'est-tu moi ou c'est juste de la vulgarité gratuite, que ça aide en rien des vrais drames, puis que c'est mal écrit en crisse, pas une fois ça parle de quelque chose de drôle. Ben, les hamsters, c'était un peu drôle. Bon, ouais, quand même. Mais je parle de la lettre, là. Ouais, c'est vrai, dans la lettre, il y avait des choses. Il y avait les hamsters et la baby gun pour que c'était drôle. Mais... En plus, Tommy... Non, mais je vais te le dire. Je te suis à partir... Non, ma gueule. C'est humiliant de recevoir ça, tu sais. C'est juste parce que t'es connu que ton nom est là, hein, Lola. Puis, dépendant des potins, mais ça aurait pu être un autre nom qui soit là, tu sais. Tout bad, hein, cette semaine-là, Michel Richard avait pas envie de chier nulle part. On vaut pas grand-chose, mais se le faire dire de même, ça hashtag manque de classe. Néanmoins, il y a une poursuite de 300 000 piastres, ça manque de classe aussi, surtout évoquant la culture du viol, alors que c'est clairement un cas de pied dans les plats pour cause de mauvais jugement. Hein? Ça évoque un combat qui doit inévitablement contenir un exemple, ce qui est excellent pour la condition humaine du monde entier. Hashtag entretenir, c'est faire fleurir. Juste de même... Voter PQ, c'est voter pour l'économie, la création d'emplois, puis les pétrolières du monde entier. C'est-à-dire qu'on va passer de « je me souviens » à « je me souviens quand le PQ s'est torché avec l'île d'Anticosti, Tommy ». Oui. Mais faites-vous-en pas, hein. Sur celle-là, sous n'importe quelle bannière, ça se ferait. Autant que ce soit des amis, comme dirait Pauline. Hein. mais reste que le Parti libéral... Ah, ils sont forts. Ils sont forts cette année. C'est ça, t'en as pas encore parlé. Ah oui, t'as parlé que ça favorisait l'économie. Ouais, si tu veux manger des pilules, t'sais, c'est le temps de voter pour eux autres. Oui, oui, oui. C'est comme ça. Mais il y a quand même une rumeur qu'il y en a qui vont se faire arrêter. Et qu'il y en aurait une petite gang s'il arrêtait tout le monde là-dedans. En tout cas, je te dis ça comme ça. Ça fait 30 ans que ça dure. Pas tard. Il y a eu plusieurs gouvernements. Même moi, je suis impliqué, là, t'sais, je veux dire, un moment donné. On le sait, directement, en plus de ce que... Bref, j'espère que tout le monde comprend que c'est nécessaire de le dire à tout le monde, dans une faillite personnelle, de plus ou de moins, que partout sur la planète, le viol, c'est mal. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je suis d'accord aussi avec les moyens que tu as utilisés pour le dire. Merci. Parce que moi, je crois en ça, le français. C'est important. On a deux langues ici, autant de se servir de juste une. Je le sais, l'annonce d'une telle information peut en déstabiliser quelques-uns. Il y en a qui étaient sûrs. Ça fait comme 2 mois qu'ils ne l'ont pas entendu. Ils savaient plus trop. C'est ça. Zone grise. C'est vrai que le viol, c'est mal. Oui, c'est vrai. Mon père, après son voyage de 40 jours dans le désert, il disait, c'est quand tu penses que t'as les yeux ouverts que tu te crises dans le seul cactus de la place. En même temps, c'est sûr que 40 jours à jeun, à chaleur, dans une grande litière, ça se peut que tu prennes le premier cactus que tu vois pour une machine à eau, hein? Ça arrive. Mais il a survécu, puis il avait raison. On est souvent aveuglé par un manque de jugement, et le cactus contient effectivement de l'eau, Tommy. En terminant, un matin, mon fils me demande encore, comme à son habitude, hein, « Papa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour célébrer la vie? » D'habitude, je l'écoute pas. Je reste fixé en avant de la TV, puis j'attends qu'il parte. Puis s'il part pas, je monte le volume. Mais aujourd'hui, c'est spécial, tu sais, c'est la journée des élections, hein? Fait que je l'ai amené avec moi, lui montrer comment ça marche dans un pays démocratique, et j'ai fait mon devoir de citoyen en ne votant pas. Pour cause d'analphabétisme politique généralisé, hein? Ce qui m'a pas empêché d'exercer mon droit de vote, mon droit d'opinion, Tommy, hein? En effet, j'ai fait la file, puis rendu dans l'isoloir, j'ai faké une crise d'angoisse. Je me suis mis à gueuler super fort. J'ai pas assez d'informations à ma disposition. Y a-tu quelqu'un qui peut m'aider? J'y connais pas ces gens-là. Je travaillais, j'avais pas le temps de m'informer. Puis j'ai passé le reste de l'après-midi à rire avec mon fils du monde qui essayait de nous expliquer la vision des différents partis. Avec ton fils. Une sortie père-fils comme on les aime. Au bureau de vote. Voilà. Pas mal ça, j'ai fait cette semaine. Ben, c'est une belle semaine. Ouais. C'était cool. C'est la fin? Oh, ouais. Merci, Mathieu. À chaque fois, c'est plein d'insight et j'ai vraiment la conviction que les gens vont finir par comprendre. Il y a quelque chose là-dedans. Il faut juste pas arrêter. Là-dessus, on n'a pas encore fini à 70% le bloc de threesome avec des animaux. On est supposé aller vers des chats et des lapins. Et on va aussi mettre un vidéoclip que j'ai découvert cette semaine. C'est quelque chose qui s'appelle Northern Light et c'est dans les années qui faisait Daycare. Là, tu sais, We Are the World, mais c'est une version canadienne avec des artistes canadiens. C'est cheap fromager, comme j'aime bien gros ça. Et voilà, donc on est à 70%, puis au retour, ça devrait être Lou qui va venir nous parler de la vie. Shoot! Yeah. kill him. Do it. As every day goes by, how can we close our eyes until we open up our hearts? We can learn to share and show how much we care. Hey, salut toi! Salut! Comment ça se passe? Ça va pas mal. Ouais? Là, t'es ici pour nous parler de? D'un mix entre ce qui se passe en ce moment et auquel je n'ai pas le droit de participer, à savoir je n'ai pas le droit de voter. Ah oui, ça. Donc j'ai inventé une histoire un peu étrange et qui se finit bizarrement. Ah, je suis pas vraiment sûre, en tout cas. Voilà maintenant 100 jours que nous sommes coincés ici, pris dans un futur qui ne se conjuguera peut-être plus jamais, à voguer vaguement entre la droite et la gauche. J'ai l'impression de me recroqueviller un peu plus à mesure que je l'entends vivre, qu'il bouge, qu'il fait aller ses bras dégoûtants le long de son pantalon souillé de graisse et de whisky. Je pense que je pourrais entrer tout à fait dans un bulletin de vote à présent. Me voilà minuscule, loin dans le coin, me voilà rendu la poussière de gauche. Je ne peux pas le voir, je ne peux pas le sentir, je ne peux pas le toucher, je ne veux pas lui parler tellement son corps est lourd, son corps saoul qui me rebute, tellement je le hais. Nous sommes épris au piège dans une cale qui ne veut plus rien dire, 100 jours debout à la gueule ouverte, 100 jours à me tenir alerte, à lutter l'un contre l'autre, dans des films parfois longs que personne ne comprend. Troussez-vous, Pouliche. Trouliche, chauffez-mou. Est-ce que tout va bien, professeur Lars von Trier? Baissez-vous, pourbiche, massez-vous. Professeur, je ne comprends pas un traître mot de ce que vous essayez de me dire. Est-ce une plaisanterie? Mais j'ai ce qui se passe. Mais ce qui n'arrime. Je ne sais pas. Qu'est-ce donc que ce langage fleuri? Glandieux, qu'est-ce que vous m'avez mis dans mon air? Votre nerf comme dans les nerfs à vif? Votre nerf de la guerre? Votre nerf de rien? Je ne sais pas ce que j'ai bien pu faire à votre nerf, vous savez. Vous êtes bien assez brillant pour vous débrouiller tout seul. Et je ne voudrais pas commettre... galope. Vous n'êtes qu'une galope juste juive. Vous m'avez grogué. Quelle horreur! Oh, mais quelle horreur! Vous me faites perdre mon temps, galope. Je vais vous mordre le mou. Oh oui, venez donc me mordre le mou, professeur. Je vous y invite. Regardez, je ne bouge pas. Faites donc, procédez. Vous êtes à hurler de rire, Pouliche. Ne me regardez pas avec ces yeux-là. Pensez-vous un seul instant que je ne vous ai pas vu venir à vos minuscules pas de souris pour essayer de m'éliminer? Vous êtes un menteur dégueulasse. Pouliche. Arrêtez de m'appeler comme ça, vous me dégoûtez, c'est compris? J'en peux plus de vous, de cet endroit innommable, de ce voyage hors de question. Où allons-nous à la fin? Patience, retournez vous asseoir. Ah, c'est ça? Vous m'ordonnez d'aller m'asseoir maintenant? Vous êtes un manipulateur doublé d'un grossier personnage. Je ne suis pas d'humeur pour lèche. Et vous savez ce qui risque d'arriver si vous continuez à me seriner avec vos histoires de petites andouilles et cervelées? Alors foutez-moi le camp dans le coin et je ne veux plus vous entendre. Noyez-vous dans votre whisky, espèce de porc fasciste. Porc fasciste? Oh oui, vous êtes un porc fasciste. Vous êtes un fasciste caché derrière une caméra qui défend des idées dont vous n'avez absolument rien à faire. Mais qui vous a autorisé à prendre ne serait-ce que la parole, vagin? Retournez donc à vos problèmes de porc et laissez les hommes naviguer en paix, que diable! Mais vous allez arrêter de me prendre de haut? On n'est plus dans les années 20, espèce de débris. Ah oui? Alors qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces rides qui vous poussent autour de la bouche, Pouliche? Comment allez-vous plaire aux hommes qui ne vous prendront plus jamais nulle part et surtout pas de haut? Ne changez pas de sujet, professeur. Vous êtes en train de parler de votre vision innommable de la femme qui rend bon à Mathusalem. Et en cette période d'élection, je peux vous dire que je vous ferais fusiller sur le champ. Imaginez-vous un seul instant que des femmes ont lutté et se sont élevées contre des monstres misogynes comme vous toute leur vie, justement pour avoir des droits? Je ne parle pas aux vieilles. Allez vous asseoir. Je ne suis pas vieille. Ah non? Alors comment est-ce que vous allez me justifier cette entrevue accordée au magazine Marie-Claire, où vous dites à toutes ces vulves de la place publique corrompue que vous comptez arrêter le cinéma uniquement parce que vous êtes trop vieille? Vous êtes une inconstante insouciance, pathétique et écervelée. Pourquoi est-ce que je vous donnerai le droit de vote alors que vous êtes capable d'un ramassis de conneries? Quand je vous fais l'honneur de jouer dans chacune de mes œuvres, je vous existe, je vous respire, je vous tout au complet. Et d'ailleurs, tiens, je vous emmène au bureau de vote, Pouliche. Au bureau de vote, et vous verrez bien de quel bois je me chauffe. Professeur Lars von Trier, vous êtes complètement libéral. Épousez-moi. Au moins, ça finit bien. Ils tombent amoureux à la fin. Voilà, merci beaucoup, Lou. On se revoit dans le futur. En attendant, tu vas voir, on va aller écouter un clip qui s'appelle... C'est un clip weird. Chaud, ça. Oh oui, tu vas voir. Bonjour, mon nom est Eric Lucien, je suis le créateur du programme Nouvelle Croissance et je vous remercie de prendre quelques temps pour écouter notre premier blog d'informations sur notre programme. Écoutez, pour faire au plus simple, je vais vous expliquer pourquoi notre programme fonctionne. Premièrement, notre programme est unique. Il n'y a aucun autre programme qui fonctionne de la même manière et fort probablement, si vous regardez sur Internet, je suis probablement le seul thérapeute qui vous explique réellement en détail comment fonctionne son programme et tout et qui n'a pas peur d'associer son nom au produit. Évidemment, le programme est basé sur le principe de pouvoir commencer à vous permettre de pouvoir gagner en poitrine. Et c'est possible de pouvoir le faire simplement en utilisant les processus qui existent normalement puis naturellement dans le corps. Le programme en lui-même ne fait pas grandir des seins. Ce qu'il fait, c'est qu'il vous permet de continuer la croissance que vous avez eue pendant votre puberté afin que vos seins aient la grandeur que votre cœur avait prévue. En fait, on veut comprendre que ce qui arrive, c'est que les seins qui sont petits pour la nature sont juste des seins qui sont arrêtés de grandir trop tôt. Et le programme vous permet de continuer cette croissance-là. Dépendamment de votre environnement, votre mère, votre tante et d'autres personnes dans votre famille, vous pouvez gagner de 1 à 3 bonus. C'est ce que le programme permet de faire. Il y a les trois causes qu'on a pu identifier au niveau de l'arrêt de croissance et qui sont comme traitées à l'intérieur du programme. Donc le programme permet de repartir la croissance et en plus soigne, guérit, amène la fin des causes qui auraient pu causer l'arrêt de croissance pendant la puberté pour permettre à ce que cette croissance-là continue et que votre corps puisse avoir des seins proportionnels au reste du corps, évidemment. Donc, les trois causes qu'on a trouvées étaient évidemment un manque de vitamines ou de minéraux. Il est possible que pendant votre puberté, eh bien, pour différentes raisons, pour des questions alimentaires, pour des questions sportives, pour des questions X ou Y, eh bien, soit vos ovaires n'ont pas fourni les hormones qui étaient nécessaires, ou soit simplement dans votre alimentation, il n'y avait pas ça, ou votre croissance était une trop grande poussée à mener, et votre corps, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, il ne considère pas que la croissance des seins est comme une priorité pour lui. Il a simplement arrêté la croissance pour s'occuper de d'autres choses, et que finalement, ben, quand l'énergie est venue, ben, il n'a tout simplement pas recommencé la croissance. Donc, c'est une des causes. La deuxième cause qu'on peut trouver, c'est la cause qui va être par rapport émotionnel. Peut-être qu'il peut y arriver qu'émotionnellement, un mauvais commentaire ou une situation un peu ambiguë, ou puis que pendant qu'on est adolescent, ben, on se sent mal à l'aise d'être différent des autres, ou différents facteurs comme ça qui peuvent arriver, peuvent commencer à emmener l'arrêt de croissance des seins. Et à l'intérieur du programme, eh bien, il y a un produit homéopathique qui permet justement de libérer un peu les peurs qu'on a eues quand on était adolescente et permet de faire un peu le reset sur ça pour commencer à se rendre compte que maintenant qu'on est adulte, eh bien, il y a plein d'avantages à avoir des bons seins et que finalement ces causes-là, ben, ne sont plus présentes, alors on peut comme recommencer la croissance. Et la troisième cause, eh bien, c'est souvent une cause énergétique, c'est-à-dire qu'énergétiquement, l'énergie est seulement ailleurs et elle ne se rend pas au niveau des seins. Donc, pour pouvoir commencer à aider dans ce sens-là, eh bien, vous allez trouver à l'intérieur du programme, dans la boîte, il va y avoir un laser. Et ce laser-là vous permet de stimuler des points d'acupuncture chinois qui sont utilisés depuis des milliers d'années pour permettre la croissance des seins. Et en faisant comme ça ces points-là tous les jours, eh bien, vous permettez à vos seins de grandir non seulement rapidement, mais aussi avec un minimum de douleur. Puisqu'on parle des choses qu'on trouve dans la boîte, vous avez aussi trouvé en plus que des phytoestrogènes, vous avez trouvé aussi de l'huile à massage qui vous permet de faire le massage aussi de vos seins pour s'assurer que justement qu'à mesure que les seins vont grandir, eh bien que les glandes qui vont être exposées et qui vont commencer à grandir puissent commencer à se détendre et se détacher des autres pour éviter qu'il y ait une tension puis qu'il peut y avoir une douleur de croissance. Fait, en gros, c'est à peu près ce que contient le projet. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter notre site ou nos autres vidéos. Salut à la maison. Ben, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à 70%. Ça fait assez longtemps, je suis assez content qu'on m'a redonné enfin mon... parce que j'ai vu que vous en êtes servi à toutes les sauces, là. Sauf la mienne, là. De quoi ça? Ben, mon intro, là. Ah, le chat! J'ai aucun problème avec ça. Ben, c'est parce que tu viens plus. Fait que c'est comme devenu par la bande l'intro des invités. Parce que tout le monde aime la toune, puis tout le monde aime les chats. Fait que... Puis tout le monde sait que de toute façon, il y a des invités qui ont bien plus de sens que moi actuellement. Là. Regarde Mathieu. Ben, tout le monde peut avoir plus de sens que tout le monde à un moment donné. Là. Ouais. Voyons, diminue-toi pas, on a besoin de toi. Là. Ouais, ben, c'est parce que j'ai bien de la misère avec le côté social dernièrement. Là, j'ai décidé de faire, parce que je suis un petit peu perdu depuis un mois. Moi, je suis dans un hiatus qui s'appelle Diablo 3. Fait que j'ai complètement. C'est ma drogue. C'est ma nouvelle drogue. Fait que j'ai complètement. Chacun perdu son la problème carte. De consommation. Oui, oui. Puis là, j'essaie de m'en sortir. Là. Ça fait deux jours. J'ai des rechutes. Des rechutes à tous les soirs. Je sors de ma chambre. C'est quoi ton personnage? C'est quoi tu joues? Là, actuellement, c'est une croisée. Parce que je suis féministe. Pourquoi tu joues une fille? Parce que je pense que c'est le temps de remettre la place de la femme dans le domaine du croisé. Donc, c'est important, je pense, qu'ils participent à la croisade et détruire tout ce qui est... C'est pour voir des boules pendant que tu cliques, là. C'est pas mal pixelisé, le jeu. Anyway, fait que j'ai décidé de faire une chronique en vrac. On va parler de ce qui se passe... La semaine passée, cette semaine, puis la semaine prochaine. Ah, j'aime ça. Mon téléphone j'aime est mort. Ça. C'est comme Jojo Medium, mais avec un lapin. Oui. Comme vous savez tous, dans deux semaines, là actuellement, c'est le carême. Pas de viande, personne, alcool, tout ça. J'espère que tout le monde on s'en calisse. Non, faut pas. Ah, on c'est... est en... Non, gaga. OK, je te suis, man. OK, je coupe tout ça. Il y a un bonhomme qui est ressuscité pour nous autres. Okay. Il a passé 40 jours dans le fucking désert pour nous autres. Le père à Mathieu. Oui. En l'honneur au père à Mathieu, on va fêter ça. D'ailleurs, ça, j'ai gagné ça à la foire de l'année passée. Je pense que la batterie est morte. Non, on entend du rap, là. On peut-tu avoir des problèmes avec les copyrights? Sûrement. Ça, c'est... Ouais. Ça, c'est... On peut-tu parler? Là? Ça, ouais. C'est une des astuces de cossins que tu gardes dans ta chambre parce que sinon, on la crisserait au vidange. Ouais, ben comme tu as dit tantôt, de toute façon, je suis pas très loin de Belphégor, d'où ma moitié roue. Je sais que personne m'a invité à vos affaires de roue. Non, mais on était payés, nous autres. Ouais, c'est vrai. Fait que je suis le vrai disciple de Belphégor. C'est peut-être ça la grosse différence. Ben ouais, ben j'étais jaloux un petit peu. Je sais. Donc, Diablo, l'expansion est sortie en fin de semaine passée. Je vous l'ai dit, allez l'acheter. Meilleure drogue à ça, vie. Ça, c'est ton update. C'est mon premier update. Ben ouais, on parle de les semaines d'avant. Oui, ben la semaine qui vient de passer. Voilà. On a ici, évidemment, dans deux semaines, c'est le bon moment de s'acheter des petits lapins, des lapineaux et de les manger. C'est Pâques qui s'en vient. Très important. La fête du chocolat. Manger des lapins en chocolat, je présumais. OK. Ben là, en tout cas... cette semaine, ce qui se passe, il se passe plein d'affaires cette semaine. Ce soir, on écoute le film, mais ça, Tommy va vous en parler, mais c'est au Brouhaha. Rendez-vous tous au Brouhaha ou dans n'importe quel bar de la région. S'ils ne le montrent pas, demandez l'heure. C'est aussi simple que ça marche. C'est vrai, c'est une bonne idée. Ça, j'encourage les nouveaux chapitres de Douteux partout. Absolument, partout. Absolument. Si vous êtes en Chine ou quoi que ce soit, là... C'est sûr qu'ils l'ont. Demain, là, il se passe quelque chose. Demain, ça va être très compliqué. Il y a trois choses en même temps demain. Demain, ce qu'on a au Bistrot de Paris, on a nos poètes favoris du samedi qui ont un micro libre. Donc, si vous aimez la poésie. Sinon, on est tout en art. On a magie demain aussi. Magie au divan orange. Oui, puis je fais des projections, là, puis, en fait. Puis Tommy fait des projections là-bas. Donc, la moitié de nos amis se retrouvent chez Magie. Et les sœurs soupapes, évidemment. Ça, c'est au divan orange. L'autre moitié des amis, et c'est là que je suis complètement déchiré, parce qu'au Brouhaha, on a Giz qui fait du karaoké avec nous. Puis moi, je vais très certainement au Brouhaha. Tu savais pas? Oh oui, je faisais une face de content. Oh, je suis tellement désolé, Giz. Je suis pas très bon comédien. Fait que demain, on fait du Brouhaha, on fait du karaoké au Brouhaha, ou on fait du Brouhaha au karaoké, c'est comme vous désirez. Fait que venez chanter les plus succès. Et n'oubliez pas une chose, demain, il y a un autre événement très important, puis on va présenter la vidéo de Nintendo qui va nous annoncer le nouveau personnage de Smash Bros. Enfin, on l'attendait impatiemment. Celui-là, c'était-tu un vote du public? Ça m'étonnerait beaucoup. Hein, parce le vote du public, ça va être le gars de la compagnie, là, c'est sûr. La question est qui compile les votes? Là? C'est comme Star Academy puis La Voix, là. Ça risque d'être Éric Lapointe, finalement. Mais... Ah, fuck! Éric Lapointe, de BTZ! Ça serait hot. Mais il y a beaucoup de rumeurs qui diraient que ça serait Pac-Man. Ça serait hot que ça soit Pac-Man. Ouais. Ou le Pokémon Trainer. Ah non, ça serait pas Red, hot. Là. Voyons Pac-Man, c'ti. Moi, j'aimerais le gars... Son mot spécial, c'est de pas être normal. Mais ça serait cool, Pac-Man. Il est normal, puis il mange des cossins qui traînent. Ou il y a un move, niaise-moi pas que ça serait hot, ça serait Pac-Man. Pas le Pac-Man. Non, crise de Pac-Man. Moi, le Pac-Man original, le Pac-Man de la série, là, celui avec le chapeau. Avec des bras et des jambes. Avec des bras et des jambes, genre, tu deviens tout mou. Tu crois à ça, un Pac-Man avec des... Il peut devenir super Pac-Man, c'est super hot, là. OK, ça me va. Il a des pouvoirs de manger. On va laisser la chance au coureur, parce qu'à date, même Snake est le fun. Il pourrait garrocher des fantômes, c'est parfait. Moi, j'aimerais ça avoir le gars de Excitebike. Ouais. Non, mais ils sont dedans. Ben le jaune ou le bleu. Là. Ils sont parce que tu pognes des trophées. Ben ouais, mais ça. Non. Là, ça a l'air que les runner-ups, ça a l'air que c'était les Ice Climber ou l'autre. Je ben, Ice Climber, c'est pas nouveau. Ça, ouais, ça. Mais ils ont été enlevés. Ouais. À date, ils sont pas dedans. Non, c'est ça. Anyway. Fait que les deux qu'on est déjà là, c'est quoi? C'est Mega Man, que c'est officiel, et Little Mac de Punch-Out. Ouais, ça, c'est les nouvelles grosses recrues. Ouais, on a bien hâte de voir ça. En tout cas, à douteux, on cautionne 100% les aventures de Smash Bros, c'est sûr et certain. Ouais, j'ai pas fini. Donc, cette semaine, ce qui se passe encore, parce que la semaine est complètement remplie, vendredi, on a un spécial horreur. C'est Mascara et Popcorn au Bistrot de Paris, mais il faut que tu aies des billets. Moi, j'en ai 4. Puis j'ai pas toutes mes invités, fait que ça t'intéresse. Ah ouais, tu t'es acheté des billets pour Mascara et Popcorn. Eh oui. Mais si ça apprécie, tu t'es rendu vraiment Jetstream, Jetset. J'écris rien nulle part, fait que je suis vraiment épicé. Ouais, ouais. Puis t'as un cellulaire, tu prends des photos qui ne sont jamais publiées. Jamais. Je garde ça juste pour moi, pour les ressortir à un moment inopportun. Ah, c'est bon, j'aime ça. Ouais, c'est une tactique. Ça va peut-être juste m'intéresser, moi, puis mes petits-enfants. Mesdames. Et samedi, très important, très, très, très important, je sais, je m'en veux, je vais très certainement aller me couper tantôt, mais c'est la fête à Tommy. Hein? Oui. Sa fête, c'est le 23 mars. Oui. Selon Tommy, ça a l'air que non, parce qu'il a manqué sa fête, fait qu'il s'est dit... Ben, j'ai pas manqué, it. C'est encore ma fête, là. Je commence 23 jours avant, je finis 23 jours après. Voyez ça comme vous voulez. Là, t'es... Moi, ça fait 4 ans que je vis. On fait un gros party ici. Ça va être mon party de fête samedi qui s'en vient. Donc, ici, hey. 1803 rue Saint-Christophe. Je vous donne l'adresse. L'adresse est sur Facebook. De toute façon, je suis sûr que tu tapes sur Google et tu as l'adresse. Moi, Tommy Godette, adresse. Ça devrait bien aller. C'est pas très compliqué. Venez tous. C'est samedi ici au Musée de l'Absurde. Si vous n'êtes jamais venu, ben, venez découvrir le Musée de l'Absurde. C'est assez absurde. Puis c'est ça. Puis t'as-tu tes deux petits sapins là que tu veux? Oui. Oui, hey, mon Dieu. D'ailleurs, le casse-tête de le Rock Voisine, c'est moi qui l'ai trouvé au Village des Valeurs de Trois-Rivières. Je tiens à remercier le Village des Valeurs de Trois-Rivières et Catherine qui m'a invité pour mon événement Facebook que je vais certainement en parler un autre jour, mais pas ce soir. Mais! Wow! J'ai fait une nice belle trouvaille. J'ai trouvé Olivier et Chloé! Ah, c'est-tu, hein? Ils ont des noms en plus. Oui, c'est Olivier et Chloé. Ça, c'est les petits de Bruce de Spruce. Fait qu'on a Olivier. Il est où, Olivier? Ah, ça, c'est Chloé. On la reconnaît parce que c'est une salope. Regarde, elle a du rouge puis du chocolat dans la gueule. C'est vrai, ça a été acheté de même. Et on a ici Olivier. Lui, c'est le comique de la famille. Et je vais les activer. Ils sont un petit peu fatigués, ils ont fait le voyage. S'il y avait un enfer, ça serait ça. Ça veut-tu dire que tu as fini ta chronique? Merci beaucoup, Andy. Je pense qu'on est rendu à la fin de 70%. On va écouter un clip qui est vraiment fabuleux. Tu peux le partir, Guiz, tout de suite. Je vais parler par-dessus au début pour prendre quelques instants pour remercier convenablement la géniale Lou qui est venue nous parler, Lou Scambo. On a aussi Andy qui est passé à 70% aujourd'hui. Catherine Simard, merci beaucoup. T'es tout le temps la bienvenue. Et on a eu aussi, voyons, j'oublie son nom, on a un certain Boudreau qui nous a appris que son père, c'était un petit peu Jésus. Merci à Giz à la console. Merci à moi, parce que je suis cool. Merci au monde au Brouhaha qui nous écoute. Et salut à tous les amis du Trèfle Noir de Rouyn-Noranda. Dans un clip, en fait, on l'écoute là. Ça vient de commencer. Ça dure 6 minutes 30. Et on va d'un bout à l'autre comprendre, à connaître, faire le tour de quelque chose qui s'appelle le Commie Lift. C'est comme... en tout cas, on se reparle dans quelques instants pour parler de Hell Rider, qui est le film de ce soir. Près 2 minutes à l'intérieur du clip et c'est vraiment comme un clip publicitaire fait par mon oncle Yves et ma tante Gaston et on est en train de faire le tour d'un lift avec la musique classique. je trouve ça vraiment super drôle. C'est une de mes plus belles trouvailles de cette semaine à date. On le découvre le lift, tu sais, c'est comme deux bars que ça monte quand tu pompe! Puis, t'sais! Mais il nous reste encore un petit 3 minutes. Là. On a d'ailleurs un très bel exemple du lift qui fonctionne. On voit là, tu peux le rentrer dans une palette comme ça. Tu le barres et là, tu le pompes. Et on a tous déjà travaillé avec quelque chose comme ça. Pourquoi que lui, il peut pas avoir le motorisé? Parce que c'est un loser du débutant. Si tu travailles assez bon, tu peux te ramasser avec le motorisé. Mais non, c'est sûr. C'est... Non, Il y a du saxophone de Kenny G. Et on vous rappelle que la gravité est une des forces primordiales qui a influé sur l'évolution du genre humain. Voici le champion choisi par la séquence pour transporter une pile de boîtes. Va-t-il réussir? Ouais, ça, ces clips-là. Et ça, c'est une shot qu'on a déjà vue dans le clip. C'est... Ça vous tente pas d'aller vérifier, mais croyez-moi. Et là, on voit le look du forklift. On sait que c'est quelque chose qui ressemble à... Il reste comment de temps, Giz? 1 minute. On est à 1 minute de la fin. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour. On voit que ça a des roulettes. Et tu vois la pile de boîtes qu'il est allé mener là tantôt avec le même forklift, il va pouvoir. Attention, mesdames, messieurs, incroyable. Je n'aurais jamais cru au début que ça pouvait marcher, mais maintenant je suis totalement convaincu. J'achète Commis Lift. Penses-tu que ça vient en paquet de 13, sauver de l'argent, tu sais? Parce que tu veux en avoir un de l'os, si jamais. Moi, quand je travaillais chez Canadian Tire, là, il n'avait jamais de disponible. Puis il y avait un lift électrique, puis il fallait que tu sois un ancien pour l'utiliser. C'est ça. Comme j'ai dit tantôt, fallait mais que tu pas un lift électrique comme l'autre, là. Pas un camion, là, tu sais, un lift comme ça, sauf qu'il y a un moteur dessus. Ah, moteur. Puis en fait, ça doit être moins dangereux. Je sais pas si ça prend un permis. J'étais mineur quand je travaillais. Là, tu vois, la pile de boîtes qu'il a tassée, il est allé la ramener à la même place. La boucle est bouclée. La fleur sort du tas de fumier. On élit les libéraux. Tout est bouclé. Tout va bien. Écoute. Salut tous, c'est Tommy Godette, la mascotte de douteux.org, qui est ici pour vous parler d'un excellent long-métrage. On parle de Hell Riders, un film de 1983, même si ça paraît pas. Hein. On poursuit notre Lucky Seven avec un film qui fut jadis très important pour ma conception du monde. Avant Hell Riders, j'étais certain que pour faire un film, on avait besoin d'un minimum de qualité. Avant Hell Riders, j'étais certain qu'on avait besoin d'un minimum de créativité, d'un minimum de scénario, d'un minimum de planification, d'un minimum de décence et de fierté pour se permettre d'en venir à offrir un long métrage aux gens. C'était avant Hell Riders. Tina Louise, c'est le nom de l'actrice dans le film de ce soir, c'est Ginger de Gilligan's Island. Adam West, c'est Batman de la série éponyme. Ces deux giga super méga stars forment la pierre angulaire de la structure compliquée formant la mosaïque des multiples personnages mis en interaction ce soir. En résumé, un village de 45 âmes reçoit la visite d'une prostituée de la grande ville. Et vous allez voir, les gens du petit bourg, là, les rednecks, insistent souvent sur le concept de prostituée de la grande ville. Et Chris, oui, ils vont le dire souvent. La venue de la dame coïncide fortuitement pour l'action avec la révolte des Hell Riders, le club de machines du beau composé de Mark, le moustachu, Snake, le leader, on va en reparler, l'élément comique au casque greffé, qui n'a pas de nom, le curé, l'ange à poil, qui monte tout le temps ses tweeds, on est content, et bien entendu, le petit trapu violent. Devant cette poussée de violence incarnée par des meurtres à coups de houde de char, il va avoir ça. À coup d'assassinat gratuit de figurants inoffensifs, vraiment, Batman, ou plutôt le docteur, la seule personne de toute la communauté capable de parler et de réfléchir en même temps, va décider de passer à l'action. Tous les habitants du village prennent les armes et décident donc de repousser les Hell Riders, qui sont les motards envahissants. Spoilers alert, parce qu'on est dedans, pour tenter de vous aider à y trouver de l'intérêt, je vais vous parler un petit peu du film. C'est pour vous aider à y trouver le même intérêt que nous, parce que, sérieusement, les Hell Riders, c'est moins 8, pour vrai. C'est pas un moins 8 qui est très, très, tu sais, avec des explosions au ralenti, mais moins 8, pareil. Donc, il va avoir un viol à relais. Mais tu sais, avec du linge, là, faut pas s'inquiéter. Il va y avoir aussi un autre viol avec des préliminaires à relais. Ça, c'est pas pire, des viols à préliminaires à relais. Il va aussi avoir le bruit de freinage des pierres à feu, souvent dans le film. Quand il y a un auto là, qui freine, là, c'est le bruit de freinage des pierres à feu. Vous allez aussi frissonner devant le montage qui, virgule, à la fin, va tuer Snake qui va tomber dans le vide, qui va s'offrir à la gravité. On en parlait de la gravité, c'est une force très, très, très, très forte. Ouais. Donc, ouais, mais, comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de personnages dans le film et leur compétition de virilité, telle de non-subtiles blagues de pipi-caca, vous feront revisiter votre cours d'école du primaire exactement comme dans le temps, au même niveau d'adulte. Insidieusement, la trame sonore va venir vous taper sur les nerfs. Immédiatement, la grand-gueule à Snake va vous amener là. À cette petite place au sein de vous-même que vous n'êtes jamais allé encore. Et Snake parle à lui tout seul à peu près autant que tous les autres personnages du film. Oui. Plus que jamais, la présence aussi de Gilles et Maurice. En fait, c'est comme ça qu'on les appelait, nous, Gilles et Maurice. C'est quand que il se passe un mouvement sur un plateau de tournage et qu'on sait que c'est pas naturel que ce mouvement se passe là. On sent les effets de Gilles et Maurice et ça se fait très, très bien. Vers le début du film, il y a deux adolescents qui sont en train d'avoir des relations sexuelles dans une vanne. Et là, ils sont comme un à côté de l'autre. Et puis là, il y a une shot de l'extérieur de la vanne. Et puis tu vois que la vanne est vraiment poussée par Gilles et Maurice dans l'arrière. Donc, c'est ce genre de petite affaire-là. Et ce soir, Gilles et Maurice sont là souvent. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, les vôtres. Il y a sûrement un nom en anglais, mais nous autres, on les a baptisés. Ça fait quand même assez longtemps. Oh, ouais, pas douchebag. Finalement, la pitié que vous allez ressentir face à la pauvreté de la pellicule sera rapidement diluée dans la vacuité sans nom de l'heure et demie que consistent les Hellriders. C'est un douteux qui va chercher son intérêt du fait qu'il n'y en a aucun à développer. C'est quelque chose de spécial. Ça ressemble un petit peu à The Room, mettons. Ça ressemble un petit peu à... voyons, il était une fois le diable, le degré d'intérêt qui est possible de développer au travers de ça, ou en fait, ce qu'ils sont en train d'essayer de nous stimuler. Et tout ce manque de qualité fut dûment traduit par des gars qui avaient beaucoup plus de temps que de talent à perdre. En somme, ce film, c'est un peu comme le méchant accroché à l'ascenseur à la fin de Total Recall, mon nouveau bon chum, là, Michael Ironside. Michael Ironside, qui est accroché là, après l'ascenseur, c'est les Hellriders. Le temps qui passe dans le film, c'est le plafond qui se rapproche puis qui va lui arracher les bras. Et les Hellriders, les Hellriders, c'est la qualité du film. J'aurais dû lire ma feuille. Michael Ironside, c'est Hellriders. L'ascenseur, c'est le temps qui passe. Et le plafond qui va lui arracher les bras avant de le lancer dans le vide, c'est le degré de qualité du dit film. Ouais, voilà. Donc, en sursomme, Hellriders, c'est tout comme Rush il y a deux semaines. J'en ai parlé, ça fait pas longtemps. Rush, c'est un des films qui a causé le plus de coming out douteux, violent, que j'ai été témoin. Vraiment, Hellriders et Rush, ça serait les deux noms qui me reviendraient en surface si jamais à en reparler. Si la rage vous prend en écoutant les Hellriders... pas de blessure, pas de violence incontrôlée. On prend un projectile, on vise la face de Snake et ça va faire du bien. Et puis en cas de panique, on est des spécialistes, vous avez des recours, vous pouvez venir nous parler, nous poser des questions. Mais attention, j'ai pas dit qu'on avait des réponses. J'ai dit qu'on était des spécialistes et qu'on avait des débuts de solutions. Ouais. On peut aider, en fait, que j'ai écrit. C'était mieux, ça. On peut aider. Là-dessus, ben, on est à douteux.tv, mais pour ce lundi, on a une petite spéciale. On va avoir une émission sur les élections avec Vincent Leclerc à la console, Jean-Philippe Descaries-Mathieu, alias DM Douchebag Master. Lui va s'occuper de parler avec Stéphane P, notre directeur du conseil d'administration, qui n'est pas là ce soir. André, Philippe, puis Jean-Philippe. Donc, on a André Forget. André Forget, que j'adore, va être ici ce soir. On va avoir aussi Philippe Dujardin, qui parle beaucoup. Souvent, il a raison. Et on va avoir Jean-Philippe Descaries-Mathieu. Donc, merci de passer la soirée à notre antenne après cette émission spéciale de politique. Il va y avoir le long-métrage que je vous ai promis, c'est-à-dire Hellriders, un film de 1983 réalisé par un certain James Bryan. Vous êtes à douteux.tv, la télé des délaissés. Et on commence tellement à pogner qu'on devient millionnaire. Yeah, je peux me mettre du linge à cette heure. I'm Lieutenant Frank Drebin, police squad. I couldn't believe it was her. It was like a dream. But there she